Le camarade Kim Jong-un a envoyé le 19 courant une couronne mortuaire aux scientifiques du peuple, académicien, prof et docteur Kim Jong-nam, chercheur du préventorium d'hygiène de l'hôpital complexe de la Croix-Rouge de Corée, en signe de ses profondes condoléances à sa mort.